Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a lancé le 22 août un entretien. En voici le résumé. Les États-Unis précipitent de nouveau la péninsule coréenne dans le danger de guerre nucléaire prête à éclater. À partir du 22 courant, ils ont commencé les exercices militaires Ultifleet Mogadun ciblant notre République en mobilisant de gros effectifs américains déployés en Corée du Sud, au Japon et aux autres bases militaires à l'étranger, les militaires sud-coréens et d'énormes moyens de guerre. Ces manœuvres militaires commencées par les États-Unis avec les bellicistes sud-coréens, en dépit de nos avertissements réitérés, sont d'un bout à l'autre une grave provocation militaire visant la première frappe nucléaire contre notre pays et un défi à la paix et à la stabilité de la région. Surtout, elles constituent un crime intolérable qui entraîne au seuil de guerre la situation de la péninsule coréenne, déjà instable à cause de la disposition continue dans la péninsule coréenne et à ses environs des biens stratégiques américains, comme les bombardiers stratégiques nucléaires et le SAD. Washington forme le cercle vicieux de l'aggravation de la situation, tout en effectuant sans cesse les exercices militaires de nature offensive et agressive, et s'attache au renforcement des forces armées. Son objectif est de créer de nouveau une situation extrêmement critique, comme l'incident d'août de l'année dernière, pour ainsi déployer en Corée du Sud beaucoup plus d'armements stratégiques, justifier la formation de l'alliance militaire tripartite américano-nippo-sud-coréenne, afin de maintenir l'hégémonie militaire dans la région. Sans l'interruption intégrale des manœuvres américano-sud-coréennes de nature agressive, il est impossible de détendre la situation, ni d'assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et la région. Nous avons choisi l'armement nucléaire comme mesure d'autodéfense pour protéger notre État et notre régime contre la menace nucléaire permanente des États-Unis et pour maintenir comme la ligne stratégique le renforcement des forces nucléaires. Mettre fin radicalement au danger de guerre nucléaire imposé par les États-Unis par la puissante dissuasion nucléaire et sauvegarder la paix de la région et du monde entier, voilà la position invariable du gouvernement de notre République. Les hostilités envers la Corée et les menaces nucléaires des États-Unis, notamment les exercices de guerre incessants, ne pourront jamais éviter les ripostes résolues et impitoyables de nos militaires et civils.